Amen. Amen. The Lord is so good. The Lord is so good. Amen. Amen. And all the time the Lord is good. Amen. Und ständig ist der Herr gut. Amen. Amen. He is a good father. Er ist ein guter Vater. Il est un bon père. He is a faithful father. Er ist ein treuer Vater. Il est un Dieu fidèle. Amen. Amen. And that is why we can trust him. Und deswegen können wir ihm vertrauen. Et c'est ça pourquoi on peut faire confiance. And that is why no one should doubt him. Deswegen soll niemand ihn anzweifeln. Amen. Et c'est ça, personne doit le douter. Don't doubt him in a second. Zweifle ihn nicht an, keine Sekunde. Ne le doute pas même pour une seconde. Trust your father. Vertraue deinem Vater. Fais confiance à ton père. Praise the Lord. Hallelujah. We will continue with our message, which is the character of Jesus Christ. Es geht weiter mit unserer Botschaft, die Natur von Jesus Christus. On va continuer avec le message sur la nature ou caractère du Christ. And under it we have the radicals. Und dazu gehören das Thema Radikalen. Et on parle aussi de la radicalité de Jesus. Amen. Jesus taught us how to be radical. Jesus hat uns gezeigt, wie man radikal ist. Jesus nous a montré comment être radical pour lui. Praise the Lord. Hallelujah. You know, in Luke 14, let us go to Luke 14. Lucas 14. Luke 14. Amen. Lukas 14, 25. And there went great multitude with him. And he turned and said unto them, Amen. If any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. Verset 25. Plus tard, Jésus est en route et des foules nombreuses l'accompagnent. Il se tourne vers elles et il dit, celui qui vient à moi doit m'aimer plus que son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même plus que sa vie. Sinon, cette personne ne peut pas être mon disciple. Are you getting it? Verstehst du das? No. Tu comprends? He is telling us that none of these people are number one in your life. Diese Stelle zeigt uns, dass niemand von diesen Leuten, die hier aufgelistet sind, an erster Stelle stehen, nur Jesus Christus. Et ici, ça nous montre que personne peut avoir la première priorité dans notre vie, même pas nous-mêmes. Noch nicht mal du selbst. Not even yourself. Même pas toi-même. If any man come to me and hate not his father, I don't know how to explain that. Amen. Amen. Because it's so hard. Ich verstehe gar nicht, parents. Wie ich das erklären soll, weil das sowas so krasses ist, seine Eltern zu hassen. Je sais pas comment je peux expliquer ça parce que pour détester puis abandonner ses parents, c'est très difficile. Praise the Lord. Hallelujah. You know, he came to teach us how to be radical for him. Jesus kam, um uns beizubringen, wie wir radikal sind für ihn. Jésus est venu pour nous montrer comment être radical pour lui. Praise the Lord. Hallelujah. And we are to know how to be radical for Christ. Wir sollten wissen, wie man radikal ist für Christus. Et on doit aussi savoir comment être radical pour le Christ. That is one of the things we will talk about today. Amen. Eine Dinge, über die wir heute sprechen werden. Et c'est ça qu'on va aussi thématiser aujourd'hui. And we will also go into the radicals proof all things. Wir werden auch darüber sprechen, dass die Radikalen alles prüfen. Et puis on va aussi parler que les enfants de Dieu vérifient aussi tout. That is even what make you radical. Das macht dich radikal. C'est ça aussi, c'est que te fait radical. That you prove all things. Dass du alles prüfst. Que tu vérifies tout. Daddy, thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. It is not just about going to church, running from church to church. Es geht nicht nur darum, von Gemeinde zu Gemeinde zu rennen. C'est pas seulement de partir, d'aller de l'église en l'église. Jesus said it's not about also being hungry. But what are you hungry of? Es geht auch nicht darum, hungrig zu sein, sondern wonach hungern wir? Et il s'agit pas aussi d'avoir faim, mais la question est, tu as faim de quoi? Let us go to John 6. Johannes 6. John 6. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Amen. From verse 12. Johannes 6, Vers 12. Jean 6, verset 12. When there we are filled, he said unto his disciples, gather up the fragments that remain, that nothing be lost. He hates wasting of food. Erst wenn Essen verschwendet wird. Jésus-Christ déteste en gaspille la nourriture. Are you getting it? Mm. You know, people look, think that wasting of food make them they use it to prove to people that they have money. Leute denken, Essen zu verschwenden zeigt, dass du reich bist. Beaucoup de gens pensent que si tu fais la gaspillage de la nourriture, c'est là où tu as l'argent. Tu prouves aux gens que tu as l'argent. They drink water, they remain. They eat, they remain. They, you know, it's always, you know, it's, I don't. Maybe they are thinking that that is how to prove you are rich. Vielleicht sind das Leute, die glauben, dass man so beweist, dass man reich ist. Peut-être les gens pensent que c'est comme ça tu montres que tu es riche. You know, the Beninese always say that. I don't know how do I put it. I hear fear you, man. Papa, can you help me to explain that? That you are so rich that the salt you eat is more than other people's salt. You put in your soup. I don't know how to explain that. Also auf Deutsch gibt es auch ein ähnliches Sprichwort, das heißt, dass jeder mit Wasser kocht. Also auch reiche Leute kochen mit Wasser. Ne? Also die kochen jetzt nicht mit Öl oder sowas oder kochen nicht mit Tomatensauce, sondern you understand me? Wasser kocht jeder mit. The amount of salt you use. Also nicht mein, das heißt, dass, nur weil du reich bist, heißt es das nicht, dass du mehr Salz benutzt als andere. Also Motto, ich bin so reich, ich kann meine Suppe 5 Kilo Salz reinmachen. Was würdest du nicht machen? You have enough money to buy salt. Aber das macht ja keinen Sinn, weil sonst ist das Essen ja also hat ja keinen Geschmack. Deswegen wirst du auch mit dem Salz sparsam umgehen, wie jemand, der arm ist. Donc, elle vient vous donner un exemple pour dire seulement que même si tu es riche, tu ne dois pas gaspiller les choses. Par exemple, tu utilises aussi de l'eau comme les autres aussi, pas parce que tu es riche, tu gaspilles tes choses. That's what Jesus is saying here in verse 12. Das ist das, was Jesus hier sagt in Vers 12. C'est ça, c'est que Jésus dit dans verset 12. Hate wasting things. Hast du Dinge zu verschwenden? Tu dois haïr de gaspiller des choses. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Oh no, whatever you have, they are blessed. Was immer wir haben, ist gesegnet. Tout ce que tu as, c'est béni. You know how many loaves of fish did Jesus used to feed thousands? Mit wie vielen Broten, wie vielen Fischen hat er so viele Menschen satt gemacht? Du brauchst nicht so viel. Combien de poissons ou bien du pain Jésus-Christ a utilisé pour nourrir le peuple d'Israël, c'était pas beaucoup. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Proverbs 30 said, therefore, they gathered them together and filled 12 baskets with the fragment of the 5 barley loaves, which remain over and above unto them that had eaten. Verse 14. Then those men, when they had seen the miracle that Jesus did, said, this is of a truth, that prophet that should come into the world. 15. When Jesus therefore perceived that they would come and take him by force to make him a king. Praise the Lord. Hallelujah. He's already a king. Er ist schon König. Verset 12. Quand ils ont assez mangé, Jésus dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, il ne faut rien perdre. Les disciples le ramassent, ils remplissent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge qui restent après le repas. En voyant le signe étonnant que Jésus vient de faire, les gens disent, c'est vraiment lui le prophète, celui qui devait venir dans le monde. Mais Jésus le sait, ils vont venir le prendre pour le faire roi. Alors il s'éloigne de nouveau dans la montagne toute seule. Ici, ça montre déjà que Jésus-Christ sait qu'il est un roi. C'est ça, on n'a pas besoin de le faire un roi. No one made Jesus a king. He is born a king. Amen. Personne peut faire Jésus-Christ comme un roi. Il est déjà né comme roi. Just like you and me, we are born kings. Genauso wie wir geborene Könige sind. C'est comme nous tous, nous sommes nés comme roi ou reine. From Christ. Das kommt von Christus und nicht von irgendjemand anderem. Et ça vient pas de la chair, mais ça vient du Christ. Praise the Lord. Amen. He departed again into the mountain himself alone. Verse 16. And when even was now come, his disciples went down unto the sea and entered into a ship and went over the sea towards Capernaum. And it was now dark, and Jesus was not come to them. Verse 18. And the sea arose by reason of great wind that blew. Verse 19. So when they had rowed about 25 or 30 furlongs, they see Jesus walking on the sea and drawing nigh unto the ship, and they were afraid. 20. But he said unto them, it is I, be not afraid. Praise the Lord. Amen. Then they willingly received him into the ship. And immediately the ship was at the land without the wind. Praise the Lord. Amen. Amen. Verset 16. Quand le soir arrive. We are not going to be reading all that because we have a bit short time today. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. I know you love to read. Amen. I know it's, yeah. Amen. Amen. You can read it now. Amen. Okay. Okay. From 16 to... You can read 20 and 21. Okay. Jean 6, verset 20. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils veulent le prendre dans le barque, mais aussitôt la barque arrive à l'endroit où il allait. Praise the Lord. Amen. Verse 22. The day following, when the people which stood on the other side of the sea saw that there was none other boat there, save that one whereinto his disciples were entered, and that Jesus went not with his disciples into the boat, but that his disciples were gone away alone. Verse 23. Howbeit there came other boat from Tiberias nigh unto the place where they did eat bread, after that the Lord had given thanks. Verse 24. When the people therefore saw that Jesus was not there, neither his disciples, they also took shipping and came to Capernaum seeking for Jesus. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Read 24, please. Mm-hmm. La foule voit que Jésus et ses disciples ne sont pas là. Alors ils montent dans le barque et ils vont à Capernaum pour chercher Jésus. Verset 24. They were looking for Jesus everywhere. Sie haben überall nach Jesus gesucht. La foule cherchait Jésus partout. Amen. Amen. These people were hungry of something. Diese Leute waren hungrig nach etwas. La foule avait faim de quelque chose. Amen. Amen. It's like how people go to church today. So wie Leute zur Gemeinde gehen heutzutage. C'est comme ça comme les gens partent à l'église aujourd'hui. You know, for you to go to church and continue to go to church or looking for church to go to, it means you are hungry of something. Dass du zur Kirche gehst oder weiterhin zur Kirche gehst, heißt, du bist hungrig nach etwas, du suchst etwas Bestimmtes. Que tu pars à l'église et puis tu continues à aller à l'église, ça veut dire aussi que toi-même tu as faim de quelque chose. Amen. Amen. It's either you are pursuing something or something is pursuing you. Entweder bist du hinter etwas her oder etwas ist hinter dir her. Soit tu persécutes quelque chose ou bien quelque chose te persécute. Or you are hungry of the right food. Oder du bist hungrig nach der wahrhaftigen Speise. Ou bien tu as faim de la vérité. Amen. Amen. These people, they saw something and that moved them to be looking for Jesus everywhere. Diese Leute haben etwas gesehen und Und das hat sie dazu bewegt, nach Jesus zu suchen. Comme ici la foule a vu quelque chose et c'est ça ils ont cherché Jésus. And it sounds radical. Und das hörte sich radikal an. Et ça semblait radical. Because even they have to cross sea, take sea, they may take boat and even cross the sea. Weil sie selbst Boote nehmen mussten, über See, über den See fahren mussten, um ihn aufzusuchen. Parce que la foule a même pris les barques pour passer la mer pour chercher Jésus. 25. And when they had found him on the other side of the sea, they said unto him, Rabbi, when comest thou hither? Jesus answered them and said, Verily, verily, I say unto you, you seek me not because you saw the miracles, but because you did eat of the loaves and were filled. Verse 27. Amen. Amen. You can see that here their motive was evil. Man kann hier sehen, ihr Motiv war großartig. Das Motiv, weshalb sie Jesus gesucht haben. La motiv pour laquelle la foule cherchait Jésus-Christ était mauvais, c'était mal. Amen. You know, it reminds me of when people are celebrating things in Nigeria. Amen, like marriage, birthday, burial. You know, people that are going there, they are not after what they are celebrating. What they are after is food. People come with bags or, you know, cellophane bag or bag to take food. You know, for them, it's all about, is there any food? Is there any food? That is, you know, the same motive. Und es erinnert mich that is the motive people always have when going to church today. Und es erinnert mich an Nigeria, wo manchmal Leute, irgendwelche Party-Leute, also Leute auf Partys gehen. Und meistens noch nicht mal vielleicht eingeladen sind und dann einfach ihre großen Tüten dabei haben und das Ganze, sich ganz viel Essen mit einpacken. Und diese Leute, denen ist egal, dass es gerade der Geburtstag von jemandem gefeiert wird oder es eine Beerdigung ist oder eine Hochzeit ist, die haben nur ein Ziel, abräumen, so viel mitnehmen, wie es geht, an Essen. Na, und das ist genau das gleiche Motiv, was Leute auch haben, wenn sie zur Gemeinde kommen. Also, ihnen geht es gar nicht um die Botschaft um Jesus Christus, ihnen geht es da um irgendwas mitzunehmen für sich selbst, für ihr eigenes Fleisch, für ihren eigenen Bauch. Et ce qui se passe ici dans ces versets, ça me rappelle au Nigeria aussi la même chose se passe quand les gens fêtent par exemple les anniversaires ou bien de mariage. Les gens ne viennent pas pour fêter mais pour manger. Ils amènent aussi des sacs ou bien des casquettes pour prendre la nourriture, pour voler la nourriture, mais pas pour être autour des gens qui les ont invités. You know, here Jesus is telling them, he said, the reason you seek me is not because of me. Jesus sagt hier, ihr sucht mich nicht wegen mir. C'est comme ça, Jésus dit aussi au fou que la raison pourquoi vous me cherchez, c'est pas à cause de moi-même. It's all about you. Es geht nur um dich. Il s'agit seulement de vous-même. It's all about what to eat, what to drink. Es geht hier um Essen und Trinken. Parce que la foule cherche seulement à manger ou bien à boire. Amen. Amen. Here is reminding me of so many things. Diese Stelle erinnert mich an so viele Sachen. Et ça me rappelle à beaucoup de choses. Amen. Amen. The song, you know, musicians that believe that they who call themselves God's children in Nigeria, what they sing, we are looking for food, we are looking for money. He's always looking for something. We have the Lord, every morning we go out to look. No, for them, it's always looking for, it's never to see Christ. Und selbst auch Gospel-Musiker, die ganze Zeit darum betteln, Dinge von Gott zu bekommen oder die ganze Zeit darum betteln, dass Dinge suchen, schützen uns darin, Essen zu finden oder sonstiges. Das ist auch alles teuflische Motive. Même aussi au Nigeria ou bien même en Afrique en général, les musiciens chrétiens chantent toujours « Dieu aide-moi, je cherche à manger, j'ai faim, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. » Mais ils n'ont jamais faim de chercher Jésus-Christ lui-même pour avoir une relation avec le vrai Dieu. Pour eux, c'est seulement le ventre, on peut dire. Pour eux, c'est seulement la bouche pour manger, pour recevoir. Jesus is telling them here that I am the true miracle, not the food. Jesus sagt, ich bin das wahrhaftige Wunder, that's me. Nicht die Vermehrung der Speise. Et Jésus dit, are you getting it? Et Jésus dit aussi, c'est moi le véritable miracle, ce n'est pas la multiplication de la nourriture qui est le miracle. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 27. He said, labor not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you, for him had God the Father sealed. Praise the Lord. Amen. Amen. Can you read this chapter 26 and 27? Verset 26 et 27. Jésus leur répond, oui, je vous le dis, c'est la vérité. Vous me cherchez seulement parce que vous avez mangé autant de pain que vous avez voulu. Mais vous ne cherchez pas parce que vous avez vu des signes étonnants. Ne travaillez pas pour la nourriture qui s'abîme, mais travaillez pour la nourriture qui dure et qui donne la vie avec Dieu pour toujours. Cette nourriture, le Fils de l'homme vous la donnera. En effet, le Père qui est Dieu lui-même a donné son pouvoir au Fils. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Labor not for the meat which perisheth. Arbeite nicht für die vergängliche Speise. Ne travaille pas pour la nourriture qui est vanité. Can see the labor people labor today. Seht die Arbeit, die Leute da reinsetzen. Et voyez, tu vois comment les gens travaillent pour la nourriture de ce monde. They labor, labor, labor, and labor for the meat that perish. Menschen kämpfen und arbeiten für die Speise, die vergänglich ist. Et ils travaillent de matin jusqu'à la nuit pour la nourriture qui s'abîme. It's all about having a house, having a car, having, you know, having things. And not having Christ. Es geht immer darum, ein Haus zu haben, ein Auto zu haben, Besitz zu haben, reisen zu können. Aber es geht nicht darum, Christus zu haben. Pour le monde, il s'agit seulement d'avoir des maisons, des voitures, le succès, mais jamais pour avoir le Christ lui-même. I hope you understand the story. J'espère que vous comprenez l'histoire. They were looking for him, for Jesus. Sie haben nach Jesus gesucht. La foule cherchait Jésus. Just like today, people believe they are looking for Jesus. Going for church, you know, going to church almost every day. Heute Menschen meinen nach Jesus zu suchen, weil sie von Kirche zu Kirche gehen täglich. C'est comme ça, c'est comme les gens pensent de chercher Jésus-Christ seulement parce qu'il part à l'église. Amen. Amen. You know, they look radical. They sound radical. Es hört sich radikal an. Ces gens semblent radical. And Jesus told them that it is not about, you know, be radical for the flesh, but radical for me. Jesus hat ihnen gesagt, es geht nicht darum, radikal im Fleisch zu sein, sondern radikal für ihn. Mais Jésus les dit que soyez radical pour, ne soyez pas radical pour la chair, mais soyez radical pour Jésus-Christ. Don't allow it to be of the flesh, but of the spirit. Es soll nicht fleischig sein, sondern geistlich. Ne laisse pas que ta radicalité soit à cause de la chair, mais ça doit être à cause de l'esprit. Praise the Lord. Amen. And in verse 28, then 28. Said they unto him, what shall we do that we might walk the works of God? Praise the Lord. Hallelujah. Jesus answered and said unto them, this is the work of God, that you believe on him whom he hath sent. Amen. Amen. Can you read it, please? Verset 28. Les gens demandent à Jésus, qu'est-ce que nous devons faire pour accomplir les actions que Dieu veut? Jésus leur répond, voici l'action de Dieu que Dieu veut. Vous devez croire en celui qui l'a envoyé. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus told them what they are to seek. Jesus hat ihnen gesagt, was sie zu seek suchen to haben. Believe me. Sucht ihn zu glauben. Et Jésus-Christ leur a dit qu'est-ce qu'ils doivent chercher. Il a dit qu'ils doivent chercher Jésus-Christ. If you can believe me, all things are possible. Wenn du mir glauben kannst, ist alles möglich. Amen. Si tu crois Dieu, là, tout est possible. You don't need to look for food. Food will look for you. Amen. Du brauchst nicht nach Essen suchen. Das Essen wird dich aufsuchen. Tu dois pas chercher la nourriture parce que la nourriture va te chercher. Praise the Lord. Alleluia. Know when the thief is coming to do his job. Wisse, wenn der Dieb kommt, um seine Arbeit zu verrichten. Tu dois savoir quand le voleur vient pour faire son travail. Le voleur, until, c'est le diable. Until you are radical, you cannot know the coming of the thief. Erst wenn du radikal bist, erkennst du, das, when the thief is coming. Wenn der Dieb kommt. Jusqu'à ce que le voleur vient, jusqu'à ce que tu es radical, tu ne peux pas voir et comprendre quand le voleur vient. In John 10:10, Jesus talks about thief. In Johannes 10,10 spricht Jesus über den Dieb. Let us go there, please. John 10,10. On va lire Jean 10,10 und dans cet exemple de voleur. Johannes 10,10. He said, the thief cometh not, but to steal, and to kill, and to destroy. He is saying that the thief have his own job. Er sagt, dass der Dieb seine eigene Aufgabe hat. Satan have his job. Der Satan hat seine Aufgabe. Der Dieb, le voleur, vient seulement pour voler, tuer et détruire. Ça montre que le diable a un travail. Yeah, he is warning us against the thief. Er warnt uns hier gegen den Dieb. Et Jésus Christ nous parle de voleur. Again, the thief have his job, just like you have your own job. Der Dieb hat seine Aufgabe genauso wie du deine Aufgabe hast. Toi, tu as ton travail, c'est comme ça aussi comme le diable a un travail. Amen. Amen. You know, every day you wake up, you just go to your job. That is how the thief also walk. Mm. He walk, you know, every day. He has his job. He has something to do, and he's going for it. Genauso wie du täglich zur Arbeit gehst und täglich deine Dinge erledigst, genauso geht auch täglich seinen Job machen, Leben zu zerstören. Comme toi, tu te réveilles le matin pour aller au travail. C'est comme ça aussi le diable est là pour aller au travail. Et son travail, c'est de détruire ta vie. His daily job is to steal, kill, and destroy. Sein täglicher Job ist, stehlen, töten und zu verderben. Et le travail du diable est de voler, de tuer et de détruire. Amen. Amen. To steal your salvation, to steal your joy, to steal your peace, to steal your faith, to steal your rest. Dein Glauben und deine Ruhe zu stehlen. Et le diable veut voler ton salut. Il veut voler ta paix. Il veut voler aussi ta joie et ta foi. Amen. Amen. He loves to steal your rest. Er liebt es, deine Ruhe zu stehlen. Et le diable adore de voler ta paix. And give you worries, fear, Sorgen, and Ängste doubt. Und Zweifel. Are you getting it? Et au même moment, il te donne toujours des soucis, des problèmes. You know, in the natural world, it is normal to worry if you have problems. In the natural world, it is normal. In der natürlichen Welt ist es normal, sich Sorgen zu machen, wenn man Probleme hat. Au monde naturel, c'est normal de se faire des soucis quand tu as des problèmes. In Christ's world, it is not normal. Aber in der Welt von Christus ist es nicht normal. I don't know, I mais dans le somebody monde understand Christ, understand ce n'est something. Pas normal. Praise the Lord. Hallelujah. You know, it's only the radical that can understand it. Nur die Radikalen können das verstehen. Mais seulement les radicaux peuvent le comprendre. Amen. Amen. It's not normal to be worried in Christ's world. Das ist nicht normal, worry Sorgen, like the dead people. Sich Sorgen zu machen, so wie die toten Menschen. Dans le monde du Christ, ce n'est pas normal d'avoir des soucis comme les gens morts. You know, in John 16, Jesus told us, you know, he said something about worries, about problems in John 16. Let us go to John 16. Johannes 16. Jean 16. Amen. Amen. Jean 16, 33. 32 und 33. Jean 16, Vers 32. Ich weiß nicht, welches Problem du vor Augen hast. Except he revealed it to me. Das sei denn, offenbart mir das. Amen. Je connais pas de problème, sauf que le Saint-Esprit me révèle des problèmes. No matter the problem, problem is problem. Egal was das Problem ist, ein Problem ist ein Problem. Mais n'importe quel problème, le problème est un problème. Amen. Amen. It might be people hating you because you have Jesus, because you preach Jesus. Das ist vielleicht, weil Menschen dich hassen, weil persecution. Du Jesus predigst. Das ist auch Verfolgung. Peut-être les gens se moquent de toi ou bien ils sont en train de se séparer de toi parce que tu as Jésus Christ, mais c'est ça aussi qu'on appelle problème. You know, once you are born of Christ and your focus is Christ, any problem you have is persecution. Wenn du geboren bist von Christus und zu Christus gehörst, ist jedes Problem, was du hast, Verfolgung. Are you getting something? Si tu es né de nouveau, puis tu fais partie de la famille, à la famille chrétienne ou bien du royaume de Christ, chaque problème c'est une persécution. Praise the Lord. Alléluia. Verse 32. 32. He said, behold, the hour cometh. Yea, it's now come, that you shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone. And yet I am not alone, because the Father is with me. Amen. Amen. You know, you should be able to say that. The same thing that Jesus is saying here. Wir sollten in der Lage sein, das Gleiche zu sagen, radical, wenn wir wirklich radikal sind. Yes. Verset 3. Really know him. Le moment arrive et il est déjà là où vous partirez de tous les côtés, chacun pour soi, et vous me laisserez seul. Pourtant, je ne suis pas seul parce que le Père est avec moi. Le verset ici, ça doit être un verset que chaque enfant de Dieu est capable à le dire. Et puis seulement les radicaux sont capables à dire qu'ils ne sont jamais tout seuls parce que Jésus-Christ est à côté d'eux. If you are really one with him, you believe you are one with him, you should be able to say this. That you are never alone if even everybody go. Und wenn wir wirklich radikal sind und glauben, dass wir eins sind mit Christus, können wir das sagen, dass wir nicht alleine sind. Et si tu es vraiment radical puis tu es un avec ton Père, là tu seras aussi capable à dire que tu es jamais toute seule, même si tous les gens te quittent. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. He said the hour cometh that it will seem you are alone. Er hat gesagt, die Stunde kommt, wo es aussehen wird. It will look like as if you are alone. Es wird so aussehen, als ob ihr alleine seid. Are you getting it? La Bible nous dit que le moment va arriver où tu vas te sentir toute seule parce que tu appartiens à Jésus-Christ. You know, we experience it all the time. It's as if we are alone. Und wir erleben das immer. Es scheint manchmal so, als ob wir alleine sind. Et on fait toujours cette expérience. Il semble toujours que nous sommes toutes seules. You know, Elisha, I experienced it. You know, when the Syrian army, they were there. It was as if he was alone. Elijah, das beispielsweise. Are you getting something? Erlebt, that he was never alone. Die syrische Armee vor ihm stand. Und er dachte, er ist alleine. Aber er ist nicht alleine. Même Elie a fait cette expérience quand l'armée syrienne venait vers lui. Il semblait comme s'il était tout seul, mais il n'était pas tout seul. You know, people running away from you because you choose Jesus. Amen. Brothers, sisters, mother, you know, they don't want, they don't, you know, when they call your name, they even want to vomit. And it's very good. Wenn sie deinen Namen nennen wollen, wird ihnen sogar schlecht. Und das ist gut so. Et c'est comme si avec toi, peut-être tu as des gens dans ta vie où seulement quand ils pensent de toi, puis ils parlent de toi, ils s'assemblent comme ils veulent vomir. You know, all about... You know, just because you choose Jesus. Und alles nur, weil du dich für Jesus entschieden hast. Et seulement parce que tu as choisi Jésus-Christ. Problem here and there, persecution here and there. Probleme hier und da, Verfolgung hier und da. Tu as des problèmes et la persécution. Even sickness and diseases here and there. Selbst Krankheiten hier und da. Même le malade te suit. He said, you are not alone. Aber er sagt, du bist nicht alleine. Il a dit, tu es jamais toute seule. There are pain here and there, but you are not alone. Auch wenn der Schmerz hier und da ist, du bist nicht alleine. Même si tu as mal, tu es jamais toute seule. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the three Hebrew boys, they thought they were alone. Die drei hebräischen Jungs haben gedacht, dass sie alleine sind. Remember their story. Amen. Les trois hommes hébreux ont pensé aussi qu'ils sont toutes seules. They were radical for the only true God. Sie waren radikal für den einzig wahren Gott. Ils étaient aussi radicaux pour le seul Dieu. You know, praise the Lord. And I saw until you are radical, you cannot find him. Deswegen, you cannot see him. Radikal sind, können wir ihn sehen, können wir ihn finden. Ça veut dire aussi juste qu'à ce que tu es radical, c'est seulement là où tu peux voir ton père, tu peux trouver ton père. Praise the Lord. Hallelujah. Let your prayer be always, the Lord, help me to be radical for you. Lass du, was dein Gebet ist, Herr, hilf mir radikal für dich zu sein. Et ta prière doit être, Jésus Christ, aide-moi d'être radical pour toi. Whatever will not make me to be radical for you, help me to destroy it. Was immer dafür sorgt, dass ich nicht radikal bin, verweigere ich und zerstöre ich aus meinem Leben. Et je rejette tout ce qui veut me tenir d'être radical pour toi. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. The radicals never doubt him. Die Radikalen zweifeln niemals an. Et les radicaux ne doutent jamais. No matter the situation. Egal wie die Situation aussieht. N'importe dans quelle situation. The more it's getting worse, the more they believe him. Umso schlimmer es wird, umso mehr glauben sie. Are you getting something here? Si ta situation devient de plus en plus grave, tu vas le croire. And your prayer again should be, Father, what will make me to doubt you, even in a second, help me to destroy it. Auch dein Gebet sollte das, was mich zum Zweifeln bringt, zerstöre ich in Jesus Namen. Et tu dois prier aussi, Père, aide-moi de détruire tout ce qui veut me faire douter, même si c'est pour une seconde. Help me to destroy whatever will not make me to believe you. Was immer dazu sorgt, dass ich dir nicht glaube. Aide-moi de détruire tout ce qui veut me tenir, de te faire confiance et de te faire de croire à ton nom. Because in John 6, verse 29, he said the work of the Father for us is to believe him. In Johannes 6, 29 sagt er, das Werk des Vaters ist, ihm zu glauben. Parce que Jean 6 nous dit que l'action de Dieu, c'est de croire à Jésus-Christ. C'est le seul commandement qu'on doit accomplir. Fight to believe Christ. Der Kampf an Jesus Christus zu glauben. Big fight. Ist ein großer Kampf. Le combat de croire Jésus-Christ. The fight to believe Christ is a big Der fight. Kampf an Jesus Christus zu glauben ist ein sehr großer Kampf. Le combat de croire Jésus-Christ est un grand combat. Praise the Lord. Hallelujah. Know that the radicals prove all things. Wisst ihr, dass die Radikalen alles prüfen? Nicht nur einiges. Oh. Amen. Vous devez savoir que les radicaux vérifient tout. Ils jugent tout, pas seulement quelque chose, mais tout. They prove what they hear, what they see, what they smell, what they taste, what they feel. They prove all things. Sie prüfen die fünf Sinne, was sie hören, was sie schmecken, was sie riechen, alles. Et ils vérifient aussi tout ce qu'ils écoutent, ils sentent ou bien ils touchent tout. Amen. Amen. They prove our love. Sie prüfen ihre Liebe. Our love. Jegliche Liebe. Your love and your own love. Sie prüfen ihre eigene Liebe. Wow. Und die your love. Hast. What to what the motive of your love? Das Motiv ihrer Liebe prüfen sie. Is it Christ or the flesh? Es ist Christus oder das Fleisch? Et les radicaux aussi vérifient leur motif de l'amour. Si l'amour qu'ils ont envers les gens, c'est la chair ou bien c'est de l'esprit. The radicals prove our joy. Und die Radikalen prüfen auch ihre joy and other people's joy. Ihre Freude und die Freude von anderen. Et ils vérifient aussi la joie de personnes. Si c'est la joie de ce monde ou bien la joie de de l'esprit. Amen. Amen. You know, when people are rejoicing, I just think of it. Why are they rejoicing? I just look at it. If it is not Christ, I hate it. Wenn Leute sich freuen, I don't know if you are betting it. Wenn Leute sich freuen, aber wenn es nicht von Christus ist, hasse ich das. Si les gens se réjouissent, là, je me demande toujours, c'est à cause de Jésus-Christ, mais c'est à cause de la chair. Si c'est à cause de la chair, là, je le déteste. The radicals prove all peace. Die Radikalen prüfen jegliche Art von Frieden. What gives you peace and what is giving them peace? Was schenkt ihnen Frieden? Was schenkt dir Frieden? Et les radicaux vérifient. And help them to know what should give them peace. That is Christ. Und du hilfst ihnen klar zu machen, was Frieden allein geben soll. Are you getting Jesus. It? Et les radicaux vérifient aussi la paix. Pourquoi est-ce que tu as la paix? Tu as la paix à cause de ce monde ou bien tu as la paix à cause de l'esprit? Et si tu es radicaux, tu vas aussi aider à corriger tes frères et sœurs pour que leur paix soit basée sur le Saint-Esprit. You know, the radicals prove our faith. If it is the faith of Christ or the natural faith. Are somebody getting something here? Sie prüfen auch den Glauben, ob es der Glaube von Christus ist oder der natürliche Glauben. Et les radicaux vérifient aussi la foi des gens. Si la foi, c'est la foi de la chair ou la foi de Jésus-Christ. They prove our patience. Die Geduld. Amen. Si la patience. Praise the Lord. Hallelujah. You might be waiting, having endurance. You know it's based on Christ. But endurance is not based on Christ. It's proof. Weil du wartest und vertraust auf den Herrn, bist geduldig, aber ihre Geduld Other can also be waiting. Ist nicht vom Herrn angetrieben, sondern von etwas anderem. Und das musst du prüfen. Il y a deux, façons de la patience. Les autres ont aussi la patience comme toi, mais leur motif c'est différent. Comparé avec ton motif. Donc, ça veut dire aussi que tu dois vérifier la raison pour laquelle les gens sont patients pour ce qu'ils attendent. They prove the fruit. Sie prüfen alle jegliche Frucht. Et ils vérifient aussi chaque sorte de fruit. If they are all of the spirit or of the flesh. Ob sie die geistliche Frucht ist oder die fleischliche Frucht. Amen. Vérifier si les gens montrent le fruit de la chair ou bien le fruit de l'esprit et si chaque fruit est aussi de l'esprit. The radicals prove invitation. Even when you invite them to something, you prove it. Selbst Einladungen prüfen sie. You prove everything. Tu dois aussi vérifier l'invitation parce que tu peux être invité, mais tu dois aussi vérifier si c'est réellement du Christ ou si c'est de la chair. Weil der Satan kann dich auch einladen. Parce que le diable peut aussi t'inviter. Death can invite you. Der Tod kann dich einladen. La mort peut t'inviter. Are you getting it? To prove all things is for you, is so good for you. I'm so used to it. I prove things a lot. Ich prüfe alles und ich prüfe oft. Weil es auch zu unserem eigenen Guten ist. Because it's a command from the Lord. Was ein Gebot des Herrn ist, alles zu prüfen. Quand tu vérifies, c'est pour ton bon, pour ton bien. Et c'est ça, tu dois être aussi habitué de vérifier des choses. C'est aussi un commandement de Dieu. The radical prove all invitation and all celebration. Die radicalen prüfen auch jegliche Art von Feier. Et les radicaux vérifient aussi chaque sorte de du fait de fête ou bien aussi d'invitation. I have to prove what you are celebrating before I can celebrate with you. Ich muss prüfen, was du feierst. I will not celebrate Satan. Bevor ich mit dir feiern kann, weil ich werde nicht den Satan feiern. I don't know someone is getting it. Et comme une personne qui est radicale, je dois aussi vérifier la raison pour laquelle. This is too hard. I'm looking at your faces. Praise the Lord. Amen. Ich muss erstmal prüfen, was du feierst, bevor ich mit dir feiere, denn ich werde nicht den Satan mit dir feiern. Comme une personne qui est radicale, je dois aussi vérifier la raison pour laquelle tu es en train de fêter, parce que je ne veux pas fêter le diable. Praise the Lord. You know, if you are a Muslim, you want to fire Geburtstag, or let me say birthday. No, you are going to fire flesh, and that is Satan, and I will never be there to fire with you, no matter how close you are to me. Wenn du ein Muslime bist und even you are my brother, you are my sister, it doesn't matter. What matters is a child of God. Werde ich das nicht mit dir feiern können, weil du das Fleisch feierst und nicht Jesus Christus, nicht, wenn wir verwandt sind, kann ich das nicht mit unterstützen, weil ich feiere nicht den Satan, ich feiere und lobe den Herrn. Si par exemple tu es musulman et puis tu fêtes ton anniversaire, Amen. Je ne peux jamais être là parce que je sais que tu es en train de fêter la chair et puis la chair c'est toujours connecté avec le diable. Même si tu es mon frère ou bien ma soeur, si tu es musulman, je ne vais pas fêter avec toi. You prove what is, you prove what you fire, what you celebrate and you prove what they celebrate. Wir prüfen, was wir feiern und wir prüfen, was sie feiern. Wir prüfen alles. Et on vérifie aussi notre propre fête et puis aussi les fêtes des autres. Praise the Lord. Hallelujah. You better learn to prove all things. Lerne alles zu prüfen. Tu dois apprendre de vérifier tout. We will not go to the story of Jehoshaphat. Amen. Amen. Maybe on Sunday we go there. Amen. Vielleicht werden wir uns am Sonntag die Geschichte von Jehoshaphat nochmal anschauen. Et le dimanche, on va parler de l'histoire de Jehoshaphat. Praise the Lord. Hallelujah. Don't worry, on Sunday I'm sure we'll go there. Amen. Because today we go to that of David. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know the Bible is very clean and clear. He said, where two or three are gathered in my name, I'm there. But you can't be gathered in another name. Die Bibel sagt ganz klar, dort wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich. Aber wo zwei oder drei in einem anderen Namen versammelt sind, da ist er nicht, sondern jemand anderes. La Bible est claire, elle dit que où il y a deux ou trois personnes qui sont ensemble dans mon nom, c'est là où je suis aussi. Mais quand tu es ensemble avec des païens, par exemple, qui est là? Praise the Lord. Hallelujah. You know, God, children, you know, it doesn't matter what they celebrate. It matters what I celebrate. You are a liar. Amen. Mm-hmm. You know, joining them. Two cannot walk together except they are one. Du kannst nicht sagen, mir ist egal, was sie feiern. Hauptsache, ich feiere Jesus Christus. Aber dann bist du ein Lügner, weil zwei können nur eins sein. Zwei können nur zusammengehen, wenn sie eins sind. Mm-hmm. Et quand, par exemple, tu dis que, bon, même s'il il fête la chair, mais moi, je fête Jésus-Christ dans mon cœur, tu es un menteur parce que tu sais que leur motif de la fête, ce n'est pas Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Prove everything, please. Prüf bitte alles. Tu dois tout vérifier. Amen. Amen. What they fire, well, let me say, what they celebrate matters a lot. Was sie feiern, ist sehr wichtig. Ce qu'ils fêtent, c'est très important. The Bible says darkness and light cannot walk together. Sagt, if you believe you are light, what Jesus called you, you cannot walk with darkness. Finsternis und Licht können nicht zusammengehen. Except you don't believe it and you are not light. Es sei, du glaubst nicht, dass du das Licht bist. La Bible nous dit que la lumière et le ténèbre ne peuvent jamais être travailler ensemble, et puis si tu es la lumière, là tu peux jamais être dans le ténèbre, sauf que tu ne crois pas que tu es la lumière. Jesus said you have to hate all. We read it in Luke 14. Amen. Hate all. Christ nous dit qu'on doit tout détester. The radical prove all thoughts and all ways. Und genauso prüfen die Radikalen auch alle Gedanken. Alle Gedanken. Et c'est comme ça, c'est comme les radicaux vérifient aussi chaque pensée, chaque chemin et puis chaque principe. Christ have his own ways and he have his own thoughts. Denn Christ hat seine eigenen Go Gedanken. Go to Isaiah 55, please. Isaiah 55. Le Christ a son propre chemin puis son propre pensée. Isaïe. Praise the Lord. Isaiah 55. Where are we supposed to go today? We are not able to go there because the Lord said, preach this message. Amen. Amen. Amen. Amen. He knows you. He knows me. He knows our thought. He knows what we need to. What we need to get. Aber ich wollte heute eigentlich etwas anderes predigen, aber der Herr möchte, dass ich über diese Sache hier spreche und es zeigt uns, dass der Herr weiß, was wir brauchen, was ich brauche, was ihr braucht. Normalement, je voulais qu'on parle de quelque chose d'autre, mais Dieu m'a poussé à prêcher de ce sujet parce qu'il sait ce que nous avons besoin, il sait les choses qu'on passe. Praise the Lord. Verse 8, it says, for my thoughts are not your thoughts. Neither your ways my ways, said the Lord. Amen. Are you getting something here? Verset 8. Le Seigneur déclare, vos pensées ne sont pas mes pensées, mes façons de faire ne sont pas les vôtres. He said, for as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. But he wants his thought to be his children's thought. His thought, his way should be the same thing you have. Aber er möchte, dass seine Wege und seine Gedanken unsere sind. Verset 9. Il y a une grande distance entre mes façons de faire et les vôtres. Entre mes pensées et vos pensées. Elle est aussi grande que la distance entre le ciel et la terre. Bien qu'il y ait une distance entre nos pensées et les pensées de Dieu, on doit savoir que Dieu veut que notre pensée soit aussi pareille avec les pensées de Dieu. You know, since the fall, there have been another way. Seit dem Sündenfall gab es andere Wege. Depuis la chute de l'homme, nos pensées ont été changées. Praise the Lord. Hallelujah. He did not create us to have another way. Er hat uns nicht erschaffen, unsere eigenen Wege zu haben. Dieu nous a pas créé pour avoir des propres chemins. The natural ways are satanic ways. Die natürlichen Wege sind teuflische Wege. Parce que le chemin naturel sont des chemins. It is for natural people, but you are supernatural people. Amen. Le chemin de ce monde naturel, c'est pour le chemin pour les gens de Jeremiah ce monde. 10, mais please. Toi, tu es surnaturel. Jeremiah 10. Jeremiah 10. Praise the Lord. Jeremiah 10. 10. Verse 23. Jeremiah 10, 23. Verset 23. Praise the Lord. Hallelujah. You know, here they will have a problem upon problem. Die Leute haben Probleme über Probleme. Et si les gens avaient des problèmes? Amen. And Jeremiah was wondering, why are there so much problems for God's people, for the people of God? Jeremiah war verwundert darüber, weshalb haben die Kinder Gottes so viele Probleme? Et Jeremiah s'est demandé pourquoi les enfants de Dieu ont des problèmes différents. And he answered his own question by himself. He said, verse 23, "Oh Lord, I know that the way of man is not in himself. It is not in man that walketh to direct his steps." Und hat seine eigene Frage beantwortet. Your step is dead. Wenn du deine eigenen Wege lenkst, ist es tot. Verset 23. C'est ici à verset 23, Jérémie répond sa question. Seigneur, je le sais, les humains ne sont pas maîtres de leur vie. Celui qui marche n'est pas capable d'assurer ses pas. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. If you direct your step, it's Satan directing you. Weil wenn du deine Wege leitest, he should, he should be the one directing you. Jesus ist derjenige, der dich leiten soll. Quand tu assures tes pas, là, c'est le diable qui est en train de te diriger. Until you prove things, don't be part of it. Erst wenn du Dinge prüfst, dann bist du Teil davon. Jusqu'à ce que tu as vérifié des choses, là, tu peux faire partie. You know, don't underrate anything at all. Unterschätze nichts. Tu dois jamais sous-estimer de choses. Amen. Amen. Until you prove things, don't be part of it. Erst wenn du Dinge geprüft hast, bist du Teil davon. Seulement quand tu as vérifié des choses, c'est là où tu peux faire partie de leur fête ou autre chose. It is for your own good. Zu deinem eigenen Guten. C'est pour ton bien. Satan have thought for you. Just like God himself have thought genauso for wie you. Gott Gedanken für dich hat. Comme Dieu a aussi des pensées pour toi, c'est comme ça le diable a aussi des pensées pour toi. He said, you know, he said, my thoughts for you are good. That's God. That's the true God. But Satan also have thoughts for you. Denn Jesus sagt, die Gedanken, die ich für dich habe, sind gut. Aber die Gedanken, die der Teufel für dich hat, die sind zur Zerstörung. Parce que Dieu nous dit que les pensées qu'il a pour nous, ils sont bien. Mais les pensées que le diable a pour nous, ce sont des pensées de malheur. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. You know, prove our journey, prove our Urlaub, our genau, holiday, prove them, prove Reise, prüfe alles. Don't underrate things. Unterschätze nichts. Tu dois vérifier tout voyage, tout travail, tout fait. We will quickly go through to two places, but I'm sure we are able to, we will be able to make one today because of time. Amen. Amen. Let us go to. We have two places here. One. Proof. One. You know. One. Because he has no proof. He said, I cannot use it because it has not been proved. The other refused to prove, and he went. You know, that is Joshua and the book of Samuel. But let us go to that of 1 Samuel. Yes, Samuel. That of Joshua, maybe we go a little bit, then you read it yourself at home. Amen? Amen. Go to 1 Samuel now. Yes, Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel 17. Yes, Samuel 17. 1 Samuel 17. Praise the Lord. Amen. First Samuel 17. Yes, Samuel 17. Premier Samuel 17. Amen. Amen. I want you to understand it very well. So we will go from 12. 1 Samuel 17, Vers 12. From 12. Amen. On va lire à partir de 12 pour que vous compreniez bien ce qui se passe ici. He said, now David was the son of the Ephrahite of Bethlehem, Judah, whose name was Jesse, and he had 8 sons. And the man went among men for an old man in the days of Saul, Are we there, please? Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. And the three elder sons of Jesse went and followed Saul to the battle. And the names of the three sons that went to the battle were Eliab, the firstborn, and the next unto him, Abinadab, and the third, Shammah. Amen? Amen. Verse 14. And David was the youngest, and the three elders followed Saul. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. You will not read chapter because of time. Mm-hmm. I will tell you when to read. But David went and returned from Saul to feed his father's sheep at Bethlehem. Amen. And the Philistine drew near morning and evening and presented himself 40 days. And Jesse said unto David, his son, take now for your brethren an ephah of this parched corn and these 10 loaves and run to the camp to the brethren. Then we are on the battlefield. Amen? Mm-hmm. So David was sent to bring them food there. Amen? Mm-hmm. Then in verse 18, and carry these 10 sheaves unto the captain of their thousand. And look how your brethren fare, and take their pledge. Now Saul and they and all the men of Israel were in the valley of Elah, fighting with the Philistines. Verse 20. And David rose up early in the morning and left the sheep with a keeper, and took and went as Jesse had commanded him. And he came to the trench as the host was going forth to the fight, and shouted for the battle. Verse 21. For Israel and Philistine had put the battle in array, army against army. Are you there, please? Verse 22. And David left his carriage in the hand of the keeper of the carriage, and ran into the army, and came and saluted his brethren. And as he talked with them, behold, there came up the champion, the Philistine of Gath, Goliath by name. Amen. Mm-hmm. Out of the armies of the Philistines, and spake according to the same words, and David heard them. Praise the Lord. Amen. David heard them. Prove what you hear. David hat sie gehört. Amen. David hat tout entendu. C'est comme ça que nous devons vérifier tout. Amen. Verse 24. And all the men of Israel, when they saw the man, fled from him, and were so afraid. They were afraid of this man. Sie hatten Angst vor diesem Riesen. Amen. Can you read verse 24, please? Verset 24, quand les Israélites voient Goliath, ils ont tout très peur et ils reculent. And the men of Israel said, have you seen this man that is come up? Surely to defy Israel is he come up. And it shall be that the man who killeth him, the king, will enrich him with great riches, and will give him his daughter, and make his father's house free in Israel. And David spake to the men that stood by him, saying, what shall be done to the man that killeth this Philistine, and taketh away the reproach from Israel? For who is this uncircumcised Philistine, that he should defy the armies of the living God? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the Philistines, they don't have covenant with the true God. Die Philister but these people. Mit dem wahrhaftigen Gott. Amen. Amen. A quick summary just for mommy. Okay. Just a quick one. Okay, On vient de lire 1 Samuel 17. Et là, on donne, la Bible nous explique seulement comment David a visité ses frères qui sont en train de se battre, qui sont dans la guerre contre les Philistins. Et puis ici, après on vient de lire comme Goliath, il est en train de menacer le peuple d'Israël. et comment les gens ont peur. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, the radicals never hear things and not move. Die Radikalen hören nicht Sachen ohne they react. Amen. Amen. Les radicaux peuvent jamais écouter des choses sans bouger ou bien sans réagir. Amen. Amen. And the people answered him after this manner, saying, so shall it be done to the man that killeth him. Amen. Amen. Verse 28. And Eliab, his elder brother, heard when he spake unto the men. And Eliab's answer was kindled against David. You know, we have a big brother. Der große Bruder. Große Brüder. Always want to control everywhere. Die alles kontrollieren wollen. Amen. Christ should be the one that controls. Christus ist derjenige, der alles kontrolliert. Amen. Amen. And not man. Und nicht der Mensch. Dans ce monde, ce sont toujours les grands frères qui veulent contrôler tout, mais dans notre monde du Christ, c'est Jésus-Christ lui-même qui doit contrôler tout, pas l'homme. Amen. Amen. And Eliab, his elder brother, heard, and when he spake unto the men, and Eliab's anger was kindled against David. And he said, why comest thou down hither? And with whom hast thou left those few sheep in the wilderness? I know your pride and the naughtiness of your heart, for thou art come down that thou mightest see the battle. That was a big lie. Das war eine große Lüge. Amen. Can you see? Yes, shut. Verset 28. Mais Eliab, son frère aîné, entend ce que David demande aux soldats. Alors il se fâche et il dit à David, pourquoi est-ce que tu es venu ici? À qui est-ce que tu as laissé ton petit troupeau dans le désert? Je te connais bien, petit orgueilleux. Ton cœur est mauvais. C'est pour voir le combat. Que tu es venu, c'était un grand mensonge. Praise the Lord. Hallelujah. And David said, what have I now done? Is there not a cause? Verse 30. And he turned from him. Don't allow anybody to distract your attention. Lass nicht zu, dass dich irgendjemand ablenkt. Amen. Amen. Let your focus be Christ. Lass zu, dass dein Fokus auf Jesus liegt. Ne laisse jamais une personne voler ton attention sur Jésus-Christ. Sois toujours faux. Don't allow anyone to take your focus away from Christ. Lass nicht zu, dass jemand deinen Fokus von Christus wegnimmt. Tu dois pas laisser que quelqu'un te distraire de Jésus-Christ. And that's why I don't argue with anybody. Ich diskutiere auch nicht mit jemandem. Amen. Amen. Ne combat pas avec une personne. Don't argue with them. Ne discute pas avec une personne. No, Jesus never argued with anybody. Jesus hat auch nicht diskutiert. He said, let them alone. Let the dead bury their dead. You know, if my father did not bring them, they cannot even remain. Die Toten sollen die Toten begraben. Wenn mein Vater sie nicht gebracht hat, werden sie eh nicht bleiben können. Comme aussi Jésus-Christ, il ne s'est jamais disputé avec les gens. Il a toujours répondu, laissez les morts enterrer ses morts. Don't go to hell with anybody. Geh mit niemandem in die Hölle. Ne pars pas en enfer avec les gens. Don't allow anybody to take you to hell. Lass nicht zu, dass irgendjemand dich in die Hölle mitbringt. Et puis ne laisse pas que quelqu'un t'emmène en enfer. Allow your focus to continue to be Christ. Amen. Lass zu, dass dein Fokus weiterhin auf Jesus liegt. Lass que ta concentration soit. Reject any distraction. Verweigere jede Ablenkung. Reject chaque distraction. And he turned from him. Verse 30. He turned. He turned from him. Turned from that distraction. Und er wandte sich um. What you are saying, what you are doing, it's not your business. Let your focus be Christ. Lass, was dein Fokus auf Christus liegt. Et aussi on voit dans verset 30 comment David a tourné son dos à son frère. Et c'est comme ça aussi nous devons réagir aux choses. Si par exemple on voit que quelque chose veut nous distraire, on doit toujours tourner notre dos. You know, they might be enjoying what people call enjoyment, but that is, you know, you are enjoying Christ. Mm-hmm. Yeah, let them enjoy Satan. Mm-hmm. Let them enjoy death. You are not after that. Sie sollen den Tod genießen. Christ is life. Aber wir sind hinter Christus. Choose her. Life. Christus keep on choosing life. Amen. C'est comme ça, c'est comme si le monde prend plaisir aux choses différentes. Mais toi, tu vas prendre plaisir à Jésus-Christ, même si le monde te montre quelque chose d'autre. You know the thing they are enjoying, they are showing up on the internet, they are showing it handy, they are showing everywhere. You know, they are enjoying that. You don't look at them and pray for them, that they see the true Christ. Bete lieber für sie, dass sie den wahren Christus erkennen. And I'm stop celebrating Satan. Und hört auf und aufhören, den Satan zu feiern. Tu dois prier pour les gens qui prennent plaisir dans ce monde. Et puis tu dois arrêter aussi à fêter les choses de ce monde. Tu dois arrêter de fêter le diable, mais commencer à fêter Jésus-Christ lui-même. And he turned from him towards another, and spake after the same manner. And the people answered him again after the former manner. Verse 31. And when the words were heard, which David spake, they rehearsed them before Saul, and he sent for him. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 32. And David said to Saul, let no man's heart fail because of him. Your servant will go and fight with this Philistine. Praise the Lord. Hallelujah. Are you getting something here? Verse 33, and Saul said to David, thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from youth. Praise the Lord. Yeah. Is somebody getting something here? Don't look at the flesh. Schau auf das Fleisch. Believe the Spirit. Glaube an den Geist. Believe the Christ in you. Glaube an Christus in dir. Ici, on vient de lire comment David veut. Il prend la décision de combattre Goliath, mais Saül et ses frères disent que non, tu n'es pas capable à combattre Goliath parce qu'il a déjà été à la guerre depuis sa jeunesse. Mais on doit être capable à faire la différence entre la chair et l'esprit. Et puis non, nous aussi, on doit savoir que l'esprit est plus haut que la chair. You can see all this, what David is doing here, what is happening here. It's like a journey. There was a lot of distraction on the way, but David refused to see those distractions. Es gab viele Ablenkungen hier auf diesem Weg, aber David hat sich geweigert, diese Ablenkungen zu sehen. Dans le chemin de David, il avait beaucoup de distractions, mais il a évité ces distractions. He could have been there arguing with his brother, but he turned from him and allowed his focus to be on the true God. Er hätte sich auf die Diskussion einlassen können, hätte diskutieren können, hätte das Ziel dabei verfehlt. Par exemple, il pouvait aussi discuter avec son frère, mais au contraire, il a refusé à discuter avec son frère pour être concentré au vrai Dieu. You know, King Saul, he spoke to David about the flesh, but David replied him with the spirit. Und König Saul hat über das Fleisch gesprochen, aber David hat mit dem Geist geantwortet. Comme aussi le roi Saül, il a parlé à David de la chair en disant qu'il est trop jeune pour combattre Goliath, mais David a répondu avec l'esprit. You know, every tongue that comes against you, the Bible says you condemn it. Jede Zunge, die sich gegen dich richtet, sollst du verurteilen. Chaque mot qui vient vers toi, tu dois le condamner. It is not just only saying, I rebuke you, I condemn you. Amen? Mm-hmm. It's more than that. David is doing something more than that. Und es geht nicht nur darum zu sagen, I reject it oder ich verweigere das, sonst ist mehr als das. Et tu dois pas seulement rejeter chaque langue qui parle contre toi, mais c'est, il y a beaucoup de choses que tu dois faire. From verse 34. And David said unto Saul, your servant kept his father's sheep, and there came a lion and a bear and took a lamb out of the flock. And I went out after him and smote him and delivered it out of his mouth. And when he arose against me, I caught him by his beard and smote him and slew him. Your servant slew both the lion and the bear, and this uncircumcised Philistine shall be as one of them, seeing he had defied the armies of the living God. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You are to be able to reply things. Wir müssen in der Lage sein, auf Dinge zu antworten. Tu dois être capable à répondre aux choses. Reply them of the Christ in you. Erinnere sie mit Christus in dir. Et rappelle-le au Christ de toi. Amen. Amen. Reply them of who you are in the Lord. Antworte mit dem, was du im Herrn bist. Et tu dois répondre aussi les gens que tu es en Christ. Learn from David. Lerne von David. Et tu dois aussi apprendre how to have victory. Wie wir Erfolg haben. Comment avoir la victoire. The manifestation of victory. Die Manifestation vom Erfolg. La manifestation de la victoire. Remind yourself of Romans 5. Erinnere dich selbst an Römer 5. Rappelle-toi de Romains 5. If he loved you and died for you when you were a sinner, how much more now? Und für dich gestorben ist, als du ein Sünder warst, wie viel mehr jetzt? Are you getting something? Quand Jésus-Christ est mort pour toi, quand tu étais un peu cher, combien de fois il va t'aimer maintenant? Amen. Amen. If he loved you when you were a sinner, how much more now? You remind yourself, remind those problems of who you are, who your father is. Amen. Amen. Du erinnerst diese Probleme an, wer dein Vater ist. Tu dois aussi rappeler tes problèmes à ton père, que c'est Jésus-Christ qui est ton père. Remind them how Christ loves you. Erinnere an, wie sehr Christus dich liebt. Rappelle tes problèmes, comment Jésus-Christ t'aime. Praise the Lord. Amen. Verse 37. David said, moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, go, and the Lord be with thee. Verse 38. And Saul armed David with his armor. The armor that did not work for King Saul is giving the armor to David. Die Rüstung, die für König Saul selber nicht funktioniert hat, die gibt er ihm. Amen. Et l'équipement qui ne fonctionnait pas pour Saül, c'est Saül qui a donné ça maintenant à David. Amen. Amen. You know, the glory will not go to any armor. It goes to Christ, you know. Amen. Das Dank und der Ruhm und die Ehre wird nicht an irgendeine Rüstung gehen, sondern an den Herrn allein. Amen. Et la gloire, ce n'est pas pour l'équipement, mais c'est pour Dieu lui-même. And so armed David with his armor, and he put on helmet of brass upon his head, and he armed him with a coat of mail, and David girded his sword upon his armor, and he assayed to go, and for he had not proved it. And David said unto Saul, I cannot go with this, for I have not proved them. And David put them of him. I cannot be there because I have not proved it. Kann ich dabei sein, weil ich es nicht geprüft habe? Ici on vient de dire comment David il essaye l'équipement du Saül, comme aussi son casquet, l'épée, puis chaque chose. Mais David a refusé l'équipement de Saül. C'est comme ça aussi qu'on doit vérifier aussi chaque chose qui vient vers nous. Praise the Lord. Amen. You know, you can finish it yourself. Amen to the end. Amen. Amen. Vous pouvez lire ce chapitre à la maison. There's a place we will go to some places there before we close. Amen. Amen. He said, I cannot use them because I have not proved it. I cannot be there because I have not proved it. David a dit, je ne peux pas utiliser ces choses sans le vérifier. I cannot celebrate with you because I have not proved it. Ich kann nicht mit dir feiern, weil ich das nicht geprüft habe. Je ne peux pas faire avec toi parce que je n'ai pas vérifié ton motif. Praise the Lord. Amen. Amen. You prove all things. Wir prüfen alles. Tu dois tout vérifier. Let us learn to prove things. Lass uns lernen, Dinge zu prüfen. On doit apprendre de tout vérifier. It doesn't matter if people make fun of you because you prove things. Because I know them, they will make fun. Uns ist egal, you want Leute, to prove. Yes, I will prove if I'm even going to the toilet. Uns gibt Leute, die sich darüber lustig machen werden, aber es ist egal. Und ja, I prove everything. Ich prüfe, ob ich auf Toilette gehe, wenn es sein muss. Amen. Et les gens vont se moquer de toi parce que tu es en train de vérifier tout. Mais ça ne doit pas être un problème pour toi. Ça fait partie de ta nature. C'est comme si je vais vérifier vraiment tout, même si Tu pars à la toilette. Yeah, you want to eat, you have to prove it. Yes, I have to prove all things. Because you can eat that food and that food can be your last food on earth. Weil du kannst dieses Essen essen, das wird dann deine letzte Speise auf Erden sein. So, si comme avec la nourriture, are you getting it? Vérifier avant de manger, parce que sinon cette nourriture, ça pouvait être aussi la dernière nourriture. If we're going to store here, we will know how the or whatever to buy things here. You know, I have to prove it. Yes, I have to prove it because people go there sometimes they never come back home. Selbst das rausgehen, have you not heard of it? Gehen und all die Sachen, die wir machen, tagtäglich, all das prüfen wir, weil Leute gehen und kommen nicht mehr zurück. Même avant faire les achats, je dois aussi vérifier parce que les gens peuvent aussi aller, par exemple. That's why this prayer is very important. Father, wherever you don't want me to be, don't help me never to be there. Deswegen ist das Gebet auch sehr wichtig. Herr, dort, wo ich nicht sein soll, hilf mir nicht dort zu sein. Amen. Et c'est comme ça qu'on doit prier que là où tu veux que je sois, c'est seulement là où je vais être. Et puis là où tu veux que je ne sois pas, je vais pas aussi être là. Praise the Lord. Amen. You can see in all, you will know that it is not David. David Goliath getötet hat. Et quand tu lis cette histoire, tu vas comprendre que c'est pas David qui a tué Goliath. The battle was of the Lord. Weil diese Schlacht hat dem Herrn gehört. Parce que le combat c'était de Dieu. God children never fight by themselves. Kinder Gottes kämpfen nicht alleine. Les enfants de Dieu ne combattent pas toutes seules. The Lord is always your fighter. Amen. Der Herr ist dein Kämpfer. Parce que c'est Dieu qui est ton combatteur. Just like it was not Moses that freed the children of Israel from the hand of Pharaoh. Genauso wie es auch nicht Mose war, not Moses. Der die Kinder Israels aus der Gefangenschaft Ägyptens befreit hat. Es war nicht Mose. Et c'est comme ça, c'est comme c'était pas Moïse qui a libéré le peuple Israël de la main du Pharaon, c'était Dieu lui-même. Once you come to flesh, Pharaoh was stronger. 100% more than, 1,000,000,000% more than Moses. Aber wenn es um das Fleisch geht, war der Pharao viel, viel stärker und machtvoller als Moses jemals sein könnte. Parce que dans la chair, c'était le Pharaon qui était plus fort que Moïse lui-même. Donc ça montre que c'est seulement Dieu qui a libéré le peuple Israël. All the solutions to all our problems, they are not coming from us. Jede Lösung. Zu jedem Problem kommt nicht vom Herrn. Chaque solution de notre problème, ça vient pas de nous-mêmes, ça vient de Dieu lui-même. Learn to be radical for Christ. Lerne radikal zu sein für Christus. Tu dois apprendre d'être radical pour le Christ. David was radical for the Lord. David war radikal für den Herrn. Parce que David a été radical pour le vrai. That's why he was not afraid of anything. Deswegen hatte er vor nichts Angst, selbst vor Goliath nicht. C'est pourquoi aussi il n'avait pas peur de Goliath. Amen. So also Moses. Amen. Comme ça aussi Moïse. The power of Pharaoh was so great. Die Kraft des Pharaos war so groß. Parce que la force et la puissance de. But before Christ is nothing. Vor Christus ist nichts. Mais devant le Christ c'est rien. Quickly go to Ephesians 3:20. Ephesians 3:20. All things work together. Amen. The radical. Before you think or ask, you know everything. You know your father know how to take care of you. Dein Vater weiß, wie er dich achtet. Ephésiens 3, verset 20. Ton père, il sait comment prendre soin de toi. Praise the Lord. He said, "Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that he asks or thinks." According to the power that worketh in us. Praise the Lord. Amen. Dieu agit en nous avec puissance, et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. The flesh cannot give you the true victory. Das Fleisch kann dir den Erfolg nicht geben. Parce que la chair ne peut pas donner ta la vraie victoire. Amen. We still go to beware of flesh, please. Hate flesh. Hate Fleisch. Hate, and tu dois faire attention de la chair, puis tu dois aussi détester la chair. Learn to see Christ. Lerne Christus zu sehen. Apprendre de voir le Christ lui-même. To be radical for Christ means you see the Spirit. Radikal für Christus zu sein bedeutet den Geist zu sehen. Radical pour Jésus-Christ, ça veut dire que tu vois seulement l'Esprit. It means you live in the Spirit. Das heißt, du lebst im Geist. Ça veut dire que tu vis en Esprit. And you walk in the Spirit. Und du wandelst im Geist. Et tu marches. You know, remember Galatians. Amen. Galata. Amen. Let us go to 1 Samuel again, verse, this time chapter 18. Amen. Amen. I quickly go and see something there. That's Samuel. Why it's so dangerous to walk in the flesh? Und wenn wir uns mal anschauen, weshalb es gefährlich ist, im Fleisch zu wandeln. Ici on va voir pourquoi c'est dangereux de marcher dans la chair. 1 Samuel 18. 1 Samuel 18. I will quickly read, amen, from 1 to maybe 12 or so, amen. Mm-hmm. And it came to pass, when he had made an end of speaking unto Saul, that the Saul of Jonathan was cleaned with the soul, sorry, the soul of Jonathan was cleaned with the soul of David. And Jonathan loved him as his own soul. Amen. Mm-hmm. Then in verse 2. As you know, I hope you know who Jonathan is. Ich hoffe, ihr wisst, wer Jonathan ist. Amen. Was the son of King Saul. Amen. Das war der Sohn von König Saul. Jonathan était le fils de Saul. And Saul took him that day and would let him go no more home to his father's house. Then Jonathan and David made a covenant because he loved him as his own soul. And Jonathan stripped himself of the robe that was upon him and gave it to David, and his garments, even to his sword and his bow and to his girdle. Verse 5. And David went out whithersoever Saul sent him, and behaved himself wisely. And Saul set him over the men of war, and he was accepted in the sight of all the people, and also in the sight of Saul's servant. Verse 6. And it came to pass, as the king, when David was returned from the slaughter of the Philistines, that the women came out of all cities of Israel and singing and dancing to meet King Saul with tabrets and joy and with instruments of music. Amen. Mm-hmm. Verse 7. And the women answered one another as they played and said, King Saul has slain 1,000 and David 10,000. Praise the Lord. And Saul was very wroth, and the saying displeased him, and he said, they have ascribed unto David 10,000, and to me they have ascribed but thousands, and what can he have more but the kingdom? And Saul eyed David from that day and forward. And it came to pass on the morrow that the evil spirit from God came upon Saul, and he prophesied in the midst of the house. And David played with his hand as at other times, and there was a javelin in King's hand. And Saul cast the javelin, for he said, I will smite David even to the wall with it. And David avoided out of his presence twice. And Saul was afraid of David because the Lord was with him and was departed from Saul. Praise the Lord. Can you Ici, on vient de lire comment David, depuis qu'il a combattu, il a battu Goliath, il a toujours été victorieux. Et c'est là où les gens ont aussi commencé à célébrer et à louer aussi David. Ils ont dit par exemple que Saül a battu 1000 ennemis et David a battu 10 000. Et puis c'est là où Saül a commencé d'être aussi jaloux envers David, parce que les gens ont commencé à louer David. Et puis Saül aussi, il avait peur de perdre son royaume. Oui, c'est ça pourquoi il dit aussi la chair est trop dangereuse. Praise the Lord. Hallelujah. Can you see how flesh can be so destructive? Seht ihr, wie zerstörerisch das Fleisch sein kann? Vous pouvez voir comment la chair est dangereuse. What was the King Saul's problem here? Was war das Problem von King Saul? Das Fleisch. Le problème de Saül, c'était la chair. He was seeing David as this, you know, as somebody that solved the problem and not the Lord. I don't know if somebody's getting something here. Er hat gedacht, dass es David ist, der hier der Problemlöser ist, der hier der Retter ist, der hier der krasse Krieger ist. Er hat nicht gesehen, dass es Gott ist, der Krieger ist. Et si Saül pensait que c'est David lui-même qui a battu tous les gens, mais il n'avait pas compris que c'est Dieu qui travaillait en David. To be radical in Christ is not seeing the flesh, it's seeing the spirit. Are you getting it? Radikal zu sein heißt im Geist zu sehen, nicht das Fleisch. Être radical, ça veut dire de voir l'esprit, pas la chair. It was not David that won the victory. Denn nicht David hat den Sieg gewonnen. Et c'était pas David qui a gagné la victoire. Praise the Lord. The truth is Christ is the victory and not man. Die Wahrheit ist, dass Christus der Sieg ist und nicht auch nicht der Mensch, nicht das Fleisch. Et la vérité est que c'est Jésus qui est la victoire. Que Jésus est la victoire. Amen. Mm-hmm. You know, if King Saul could see that it is the Lord that is the victory, he will not even fight David. Because it doesn't matter one or two, or you did not even do anything. If it is the Lord, the Lord is the Lord. Dem Geist gesehen, dann hätte er keine Zeit gehabt, keinen Raum gehabt für Eifersucht, weil es ist der Herr, der es tut. Egal wer, durch wen er es tut, aber es ist der Herr, der es tut. Amen. Si Saül avait compris que c'est Dieu qui travaillait en David, là, il ne voulait pas être aussi jaloux, mais parce qu'il a vu la chair, c'est là où il a été aveugle contre la vérité. You want to say something, Chef? I want to ask something. Okay. Was ist genau gemeint mit dem bösen Geist von Gott? Praise the Lord. Halleluja. No, the Lord created death. Der Herr hat den Tod erschaffen. Yara vient de demander pourquoi Dieu lui a envoyé l'esprit mauvais. Puis maman a répondu que Dieu a créé la mort. Il s'est aussi écrit que c'est l'esprit mauvais de Dieu. C'est pour ça que je ne comprends pas. He also created. He gave you temper. He is the one that gave you. He gave you temper. Temper is not that you are angry. Is from him. Und he wants you to be angry. Die Wut oder der Zorn ist auch nicht vom Teufel, sondern der Herr hat uns diese Eigenschaft gegeben. Er hat uns sogar befohlen, wütend zu sein, aber dabei nicht zu sündigen. C'est Dieu qui t'a donné la colère et puis il veut aussi que tu sois fâché, mais que tu sois fâché contre le diable. Praise the Lord. Amen. In verse 10, that is where you are asking. He said, and it came to pass on the morrow that the evil spirit from the Lord came. You know, Satan is not a creator. Der Teufel ist kein Schöpfer. God created everything. Gott hat alles erschaffen. Creator, c'est Dieu qui a créé. Amen. For his own purpose. Für seinen eigenen Zweck. Pour sa pour son propre but. Pour son but. Praise the Lord. Amen. And that's why, you know, even hell. You know, hell is not created by Satan, by him. He created hell. Die Hölle wurde nicht vom Satan erschaffen, sondern von Gott. C'est comme ça, c'est pas le diable qui a créé l'enfer, mais c'est Dieu qui a créé l'enfer. Are you getting it? And people are going there. Aber Leute gehen dorthin. Et puis les gens vont aller là-bas. Amen. Praise the Lord. There's a place I hope you understand where we just read. This Matthew, this 1 Samuel 18. Amen. from 1 to 12. Amen. It's very important because if you are of the flesh, you will always be jealous. Wenn du im Fleisch bist, wirst du immer eifersüchtig sein. Parce que si tu es dans la chair, tu vas toujours être jaloux. You learn to be in the spirit. That's how to be radical for Jesus. Du lernst im Geist zu sein. So sind wir radikal in für Jesus. Et tu apprends aussi d'être dans l'esprit. C'est comme ça que tu es radical pour Jésus. That is how the spirit of jealousy cannot come into your life. So wird der Geist der Eifersucht nicht in dein Leben kommen. C'est comme ça que l'esprit de la jalousie ne va pas venir dans ta vie. If you see King Saul, the spirit of jealousy, evil spirit came into him. Amen. Because he was now after the flesh. Mm. After the flesh, you open the door for this evil spirit to come into your life, and they will do their job. They all have their own job. Wenn wir im Fleisch sind, öffnen wir bösen Geistern die Tür in unser Leben, und sie werden ihr Werk in uns tun. Si tu es dans la chair, c'est là où tu ouvres la porte pour les esprits mauvais, parce que And that's why it's so good for God's children to learn to live in the spirit. Und deswegen ist es gut, dass Kinder Gottes lernen, im Geist zu leben. Et ça, c'est important que les enfants de Dieu apprennent d'être dans l'esprit. Are you getting it? The spirit of jealousy is a very strong spirit. Der Geist der Eifersucht ist ein sehr starker Geist. Parce que l'esprit de la jalousie, c'est un esprit fort. You know, Cain and Abel. Cain killed Abel. Cain hat Abel getötet. The same spirit. Der gleiche Geist. The evil spirit. Amen. The destructive spirit. Es ist ein zerstörerischer Geist. C'est comme aussi Cain et Abel. Oui, et Abel, c'est Cain qui a tué Abel, par exemple. C'était aussi l'esprit de la jalousie qui travaillait en Cain. Amen. Amen. How to close the door to that spirit is by living in that the spiritual word of Christ. You cannot come in. The door is locked. Indem wir das Geist you can see sehen. Jesus Christ. The door is locked for to him. He cannot come in. It's locked for him. Wenn wir Jesus sehen, ist diese Tür für die Eifersucht verschlossen. Amen. Et si tu vis en Christ, tu es dans le royaume du Christ. C'est là où tu fermes aussi la porte pour que les esprits mauvais n'entrent pas. Praise the Lord. Amen. We close with Joshua 9. Let us quickly look at Joshua 9. Amen. Joshua 9. Joshua 9. On va lire Josué 9. Joshua 9. Joshua 9. Praise the Lord. Please read this. At home, amen, because we don't have time to go through, amen. And you know, here's Joshua was deceived. Joshua wurde hier in die Irre geleitet. Josué a été trompé. Amen. Amen. And you know, the set of people from their cities, they came to him from their own tribes. They came to him and they deceived him. But he did not prove it. And because of that, you know, he made covenant with them. I don't know. Please read it. You will understand it. Amen. I'm St. Leute. Yeah, you said? Joshua 9. Joshua 9, the whole of Joshua 9. Es sind Leute zu Joshua gekommen, die sich als arme Menschen ausgegeben haben, die erschöpft sind und die Hilfe brauchen. Und weil Joshua das geglaubt hat und das nicht geprüft hat, hat er mit diesen Leuten ein Bündnis, ist er ein Bündnis mit ihnen eingegangen. Und nachdem er das Bündnis eingegangen ist, hat er erkannt, dass diese Leute ihn veräppelt haben. Und dann hat er das natürlich alles sehr stark bereut, weil er die Sache nicht geprüft hat. Deswegen war man in der Lage, ihn zu täuschen. Dans Josué 9, on voit comment Josué a été trompé parce que les gens, il y a des gens qui sont venus vers lui et puis ils ont prétendu d'être des gens pauvres. C'est là où Josué a fait une alliance avec eux. Et après avoir fait l'alliance, c'est là où il a compris que c'était un mensonge. Refusing to approve things is so dangerous for God's children. Wenn du dich weigerst, Dinge zu prüfen, kann das echt gefährlich enden für Kinder Gottes. C'est ça, si tu ne vérifies pas des choses, c'est très dangereux pour toi. Because Satan have his job, the thief have his job, to steal, kill and destroy, to steal your money, to steal your joy, to steal your peace. Weil der Teufel will dein Geld stehlen, deine Zeit stehlen, deinen Frieden stehlen. Parce que le diable a son travail, il veut voler, tuer, puis détruire ta vie, ton temps et puis tout ce que tu as. People will come to you that they want to make business with you. You prove everything, please. Leute kommen zu dir und wollen mit dir Geschäfte machen. They will steal, Satan will steal from you. Weil der Teufel wird sonst durch die Leute von dir stehlen und du wirst teuer dafür bezahlen. Si par exemple aussi des gens viennent chez toi pour faire une entreprise avec toi, tu dois tout vérifier, sinon tu vas ouvrir la porte pour que le diable vole aussi ton argent et puis tout ce que tu as. The Lord have through this, you know, proven things have through it saved me a lot. Der Herr hat mich sehr oft schon gerettet. Et la vérification, ça m'a sauvé beaucoup, ça nous a tous sauvés. Amen. Amen. There was a time somebody phoned, it was not internet, through internet, that they want to make business, messy not the story. Amen. Amen. They wrote us, they sent us pictures, everything, that they want to, there's somebody, their family died, they are looking for a church to give the victory to say that, choose the church, the ministry here, to give whatever this woman have to. And I said, I have to prove everything. I know how to prove things. They have the Holy Ghost. That Jesus said will reveal all the truth to me. So I go to him. Amen. Are you getting it? The outside is so dangerous. The thief have his job, his daily job. Der Dieb hat seine tägliche Aufgabe zu stehlen und er wird es immer wieder versuchen. Und wenn Kinder Gottes nicht wachsam sind, Dinge nicht prüfen, wird man darauf reinfallen. Wir haben das selber in unserer Gemeinde auch schon erlebt, dass Leute versucht haben, uns zu täuschen. Aber weil wir geprüft haben, konnten wir dieser Versuchung oder diesem Tricks entgehen. Même nous, nous avons fait aussi cette expérience que les gens ont essayé de nous tromper en disant qu'ils vont élu faire du business avec nous, qu'ils ont élu cette église pour donner des choses à cette église. Mais parce que j'ai le Saint-Esprit, j'ai vérifié d'abord la raison pour laquelle ils voulaient faire le business avec nous. Et puis c'est ça aussi que nous devons faire tous les jours, puis chaque fois, avant de faire du business ou bien une entreprise avec des gens, tu dois toujours demander le Saint-Esprit si c'est réellement sa volonté. You know, a brother phoned me from Nigeria and told me he wants to come to Deutschland, that I should please send him invitation letter. I said, okay, I have to prove it. He said, how? I said, what am I proving? I said, yes, I have to go to the Holy Spirit. He's the one that directs me. I have a father that always reveals things to me. He said, hey, I'm your brother. I said it. I don't go with brother, I go with Christ. Amen. Amen. Und auch jemand aus meiner Familie hat mich angerufen, hat gefragt, ey, ich möchte gerne nach Deutschland kommen. Kannst du mir ein Einladungsschreiben schicken, damit ich halt nach Deutschland kommen kann? Aber ich habe dann auch gesagt, kann ich gerne machen, nachdem ich das geprüft habe und der Herr mir das Go gegeben hat, weil ich prüfe alles. Und er hat gesagt, hä? Was gibt es denn da zu prüfen? Ich bin dein Bruder. Ist doch klar, dass du mich hier haben willst, dass ich rüber zu euch kommen soll. Ist doch alles cool. Er sagt, nein, du bist nicht das Maß meiner Entscheidung. Es ist Christus. C'est comme si, par exemple, mon frère m'a appelé. Il s'habite au Nigeria. Il a dit que je voudrais venir en Europe. Et puis, je veux que tu m'envoies aussi une invitation pour que j'envoie ça ici. Mais maman a répondu que oui, ok, je vais d'abord vérifier ça avec le Saint-Esprit. Après, le frère a demandé, qu'est-ce que tu veux vérifier, c'est moi qui est ton frère. Et après, elle a expliqué que pour moi, ce n'est pas important si tu es mon frère ou pas. Pour moi, c'est important, c'est que le Christ me dit, parce que je me laisse toujours diriger par son esprit, puis pas par la chair. And there was a time my sister phoned me and said there was somebody that wants to make business with us with big money and this, that he wants to come to Deutschland. And if it was before, I would just be, hey, the money. But you know, since the maturity, he just phoned me. I said, okay, I will have to prove it. He said, I said, okay, he said, it's true. He said, then when he stopped, you know how I prove it. You have to know how to prove things. I started destroying anything that is not from Christ. I don't know if somebody is getting it. It's not God revealing to me if I'm to do it or not. That time, you know, anything that is not coming from Jesus, any relationship, any connection, any business that is not coming from Christ, I destroy you away from me in Jesus' name. Mm-hmm. That was how I proved it. And I did not hear from them again. Mm-hmm. Full stop. Und auch eine Schwester hat mich mal auch angerufen und gesagt, ja, es gibt da jemanden, der nach Deutschland kommen will und da ist auch richtig viel Geld dabei und es lohnt sich richtig, dies, das. Und früher wäre ich direkt auf das, wäre ich mit Anlauf auf dieses Angebot angesprungen und hätte das akzeptiert und angenommen, hätte gefragt, wo, wann, wie, wo kann ich, wo können wir unterschreiben. Aber ich habe dann auch zu ihr gesagt, ey, ich prüfe alles, deswegen gib mir Zeit, ich gehe damit zum Heiligen Geist und dann melde ich mich nochmal. Und es ist auch wichtig zu wissen, wie man Dinge prüft. Ich habe nicht darauf gewartet, dass ich eine Stimme höre oder dass ich einen Traum sehe, sondern ich habe angefangen, alles zu zerstören, was nicht von Jesus Christus ist. Jedes Bündnis, jedes Geschäft, jede Beziehung habe ich zerstört aus meinem Leben und ich habe von diesem Angebot mir wieder was gehört. Et c'est comme ça aussi comme ma sœur a voulu faire des affaires avec moi. Et puis, si je voulais être avant dans ma chair, là, je voulais dire, ah oui, c'est l'argent qui vient maintenant. Je voulais directement accepter de faire ces affaires. Mais je l'ai dit aussi que je dois encore vérifier tout ce que tu veux faire avec moi. Et puis, vérifier, ça ne veut dire pas que tu commences à prier Dieu, révèle-moi, si je dois le faire ou pas. Mais tu vérifies les choses en priant que Dieu... J'ai détruit tout ce qui ne vient pas de toi. Donc chaque affaire ou bien business, ou bien travail, l'argent, si ça ne vient pas de toi, là je le refuse, puis je détruis ça aussi au nom de Jésus-Christ. Et c'est comme ça aussi quand je priais comme ça, la femme a plus jamais appelé. It is not the proving under law, it's proving under grace. These are two different things. Und es ist nicht das Prüfen im Gesetz, sondern das Prüfen in der Gnade. Das sind zwei verschiedene Dinge. Et tu ne vérifies pas sous la loi, mais sous la grâce de Dieu. Ce sont des choses différentes. And that's why if you are praying for people, it is not praying for them under law, but under grace. Für Leute betest du nicht im Gesetz für sie, sondern der Gnade. Et quand tu pries pour les gens, tu ne pries pas aussi sous la loi, mais tu pries pour eux sous la grâce de Dieu. We go to Romans 8. That's why Romans 8 is very, very important for God's children. Deswegen ist Römer 8 sehr wichtig für Kinder Gottes. Amen. Oui, c'est très important pour les enfants de Dieu. Before we go there, I will tell you this. My brother was owing us money. And you know, the time that he promised to give us has gone and... The money was not coming. And I know I don't want any money to cause problem between me and between us. And as I was coming from where I was working, it just came to me that he has not given us our money for months now. And we needed that money to also use. Then the Lord asked me as I was driving, he said, have I prayed for him? I said, pray for him. He said, yes. He said, I should pray for him. You know, do you know how I pray for him? I did not pray for him to give me my money. I bless him. Under law, you pray for him to give you your money. Under grace, you bless him. Und es gab auch eine Situation, wo mein Bruder mir Geld geschuldet hat und mir das nicht so gut nicht gepasst hat, dass die Zeit, in der er mir das geben wollte, halt überschritten war. Und dann hat der Herr mir auch gesagt, okay, hast du schon für deinen Bruder gebetet? Und er hat mir dann gesagt, ich soll ihn segnen, ich soll für ihn beten. Und im Gesetz würde man eher diese Person verfluchen und der den Tod wünschen und sonstiges. Aber in der Gnade segnen wir die Menschen. Oh, bless me. You know, under law. It is. You must. Father, bless you. I pray for him to pay me my money. He must pay me. I call his name. You must pay me my money. You understand me? I never mentioned anything money. All I was praying, I mentioned his name. I said, bless you in Jesus' name with the prayer of salvation. That you know you have Jesus and have relationship with Jesus Christ. Mm-hmm. It was the prayer of grace, of love, and not the prayer of law. Ja, und das Gebet der Gnade und nicht des Gesetzes. Deswegen habe ich nie in diesem Gebet das Geld erwähnt und gesagt, du musst mir mein Geld zurückgeben, sondern ich habe einfach ihn gesegnet und dafür gebetet, dass er Jesus Christus empfängt, weil das ist der Segen, der ihm fehlt, Jesus Christus. C'est comme ça aussi comme mon frère, il avait des dettes chez moi, mais il a vraiment pris beaucoup de temps pour prier et puis c'est là où Dieu m'a demandé, est-ce que tu as prié pour ton frère? Et puis c'est là aussi pourquoi je donne l'exemple qu'il y a une différence entre prier sous la loi et puis prier sous la grâce. Parce que quand j'ai prié pour lui, j'ai prié que Dieu le bénisse avec le salut, que le salut vient dans son... dans sa vie. Mais si j'étais, par exemple, sous la loi, là, je pouvais dire, Dieu, je ne sais pas, tu dois détruire sa vie, ou bien pourquoi il ne m'a pas donné l'argent, ou bien tu voulais même parler de mots de malédiction dans sa vie. Mais au contraire, au lieu de parler de mots de malédiction, j'ai toujours béni sa vie pour qu'il vienne vers Jésus-Christ. L'argent, ce n'est pas important, mais c'est important que les gens connaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et c'est comme ça qu'on prie sous la grâce pour sauver leur vie, puis pas pour détruire leur vie. Are you getting something? Praise the Lord. Amen. Whatever we do should be under grace and not under law. Was immer wir tun, soll in der Gnade passieren, nicht im Gesetz. Et tout ce qu'on fait, c'est doit être sous la grâce, mais pas sous la loi. To be there for people should be under grace and not under law. Für Leute da zu sein, soll in der Gnade passieren, nicht im Gesetz. It's not about you, it's about Christ. Es geht nicht um dich, sondern um Christus. Et quand tu es là pour des gens, pour les gens, tu n'es pas là à cause de la chair ou à cause de la loi, mais tu es là à cause de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And I mentioned Romans 8. Romans 8, verse 27 and 28. It's very important for God's children. Amen. He said, and he that searcheth the heart knoweth what is, the is in the mind of the Spirit. Romans 8, 27 and 28. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know how I prove things? It's not God revealing to me. I want to see it. No, no, no. I just destroy Satan's work away from me. Und wie ich Dinge prüfe, I remind myself of Jesus Christ. Indem ich darum bitte, mir das zu zeigen, sondern indem ich einfach die Werke des Teufels zerstöre aus meinem Leben. Amen. Et quand je vérifie des choses, je ne demande pas à Dieu, Dieu, révèle-moi, mais je détruis tout ce qui vient du diable au nom de Jésus-Christ. If I don't want to, you know, if I want to go outside, I just say, Father, if it is not from you that I go there, help me to reject it. You know, that's how you are proving it. That's how you prove things. So it's not revealing to me that I want to see it before I go. That's not how you prove. Wir prüfen nicht, indem wir um eine Vision oder einen Traum betteln, Amen. Sondern indem wir einfach das zerstören mit der Autorität, die uns der Herr gegeben hat. Très souvent, il arrive que les gens veulent avoir des visions, mais des rêves pour vérifier si c'est réellement la volonté de Dieu, par exemple, pour sortir ou bien pour faire des choses. Mais ce n'est pas à travers des rêves ou bien des visions que Dieu parle à toi, mais c'est à travers de... Si quand tu pries que tu détruis tout ce qui ne vient pas du Saint-Esprit. Look at this Romans 8. He said, and he that searcheth the heart knoweth what is in the mind of the Spirit. Because he maketh intercession for the saint according to the will of God. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to the purpose. Verset to 28. His purpose. And the purpose of Christ is to destroy the will of Satan. Amen. Amen. Amen. Once you destroy the will of Satan can never come to pass. Wenn wir den Willen des Teufels zerstören, kann der Wille des Teufels auch in unserem Leben nicht stattfinden. Amen. Verset 28. Nous savons encore une chose. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là, il les a appelés selon son projet. Le projet de Dieu est de bénir ses enfants puis de détruire aussi tout ce qui ne vient pas de lui-même. Ça veut dire aussi il va détruire tout ce qui vient du diable. Praise the Lord. That is why it's so good to know the truth. Amen. Amen. C'est so good die Wahrheit zu kennen. Et c'est ça, c'est aussi bien aussi de connaître la vérité. If King Saul knew, if he knew this, the truth, he could have not been jealous of David, and that spirit of jealousy could have not come in. Mm-hmm. Instead of jealousy, he will be praising God that is the Lord that did it and not David. Amen. Amen. Amen. But not knowing the truth, you will fight one another. Wie weit nicht kennst, werdet ihr einander bekämpfen. Be jealous of one another. Eifersüchtig auf einander sein. Si par exemple Saül connaissait la vérité, là il ne voulait pas être aussi jaloux à David, mais parce qu'il était à la chair, il s'est vu lui-même. C'est ça pourquoi il a été jaloux. Mais c'est aussi comme ça avec les enfants de Dieu. On doit vraiment être dans l'esprit pour ne pas être jaloux. Puis être dans l'esprit, ça veut dire qu'on voit seulement Dieu lui-même et pas la chair et pas nous-mêmes. Praise the Lord. Amen. Amen. All the spirits are there, both evil and good spirits. Amen. Alle Geister sind da, gute und die bösen. Amen. Amen. There is a place the Lord sent the lying spirits to them, lying spirit. If you open the door, the lying spirit will come into your life. Und es gab auch eine Stelle in der Bibel, wo der Herr einen Lügengeist geschickt hat. Und die sagt, because that is your desire. If you desire, it will come to you. Wenn wir das uns wünschen, wenn wir uns dafür öffnen für diese Geister, werden die auch uns finden. Dans la Bible, on donne aussi des exemples des esprits différents, comme l'esprit des mensonges, l'esprit des choses différentes. Et puis c'est là aussi, ça montre que quand tu ouvres la porte pour cet esprit, c'est là où ils vont aussi venir dans ta vie. Amen. You know, when they desire, he said in Psalm 78, they desire. He said he gave them their desire, he destroyed them with their desire. In Psalm 78, if you desire evil, he will give it to you. Er hat ihnen ihre Wünsche gegeben und hat sie mit diesen Wünschen zerstört. Psalm, par exemple, il dit que Dieu a donné les gens leur désir, et puis leurs désirs ont aussi détruit la vie de ces gens. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So please, we close with this. Amen. If there's any question or...